On dit même qu'en 1814, le gouvernement anglais ayant fait pêcher pour son propre compte ses plongeurs, dans 20 journées de travail, rapportèrent 76 millions d'huîtres. Au moins, demandai-je, ces pêcheurs sont-ils suffisamment rétribués ? À peine, monsieur le professeur. À Panama, ils ne gagnent qu'un dollar par semaine. Le plus souvent, ils ont un sol par huître qui renferme une perle. Et combien en ramènent-ils qui n'en contiennent pas ? Un sol à ces pauvres gens qui enrichissent leur maître ? C'est odieux ! Ainsi, monsieur le professeur, me dit le capitaine Nemo, vos compagnons et vous, vous visiterez le banc de Manaar. Et si par hasard quelques pêcheurs hâtifs s'y trouvent déjà, eh bien nous le verrons opérer. C'est convenu, capitaine. À propos, monsieur Aronnax, vous n'avez pas peur des requins ? Des requins ? M'écriai-je. Cette question me parut pour le moins très oiseuse. Eh bien, reprit le capitaine Nemo, je vous avouerai, capitaine, que je ne suis pas encore très familiarisé avec ce genre de poisson. Nous y sommes habitués, nous autres, répliqua le capitaine Nemo, et avec le temps, vous vous y ferez. D'ailleurs, nous serons armés, et chemin faisant, nous pourrons peut-être chasser quelques squales. C'est une chasse intéressante. Ainsi donc, à demain, monsieur le professeur, et de grand matin. Cela dit, d'un ton dégagé, le capitaine Nemo quitta le salon. On vous inviterait à chasser l'ours dans les montagnes de la Suisse, que vous diriez, très bien, demain nous irons chasser l'ours. On vous inviterait à chasser le lion dans les plaines de l'Atlas ou le tigre dans les jungles de l'Inde, que vous diriez, ah ah, il paraît que nous allons chasser le tigre ou le lion. Mais on vous inviterait à chasser le requin dans son élément naturel, que vous demanderiez peut-être à réfléchir avant d'accepter cette invitation. Pour moi, je passais ma main sur mon front où perlaient quelques gouttes de sueur froide. Réfléchissons, me dis-je, et prenons notre temps. Chasser des loutres dans les forêts sous-marines, comme nous l'avons fait dans les forêts de l'île Crespo, passe encore. Mais courir le fond des mers quand on est à peu près certain d'y rencontrer des squales, c'est autre chose. Je sais bien que dans certains pays, aux îles Andaman particulièrement, les nègres n'hésitent pas à attaquer le requin, un poignard dans une main et un lacet dans l'autre. Mais je sais aussi que beaucoup de ceux qui affrontent ces formidables animaux ne reviennent pas vivants. D'ailleurs, je ne suis pas un nègre. Et quand je serai un nègre, je crois que dans ce cas, une légère hésitation de ma part ne serait pas déplacée. Et me voilà rêvant de requins, songeant à ces vastes mâchoires armées de multiples rangées de dents, et capables de couper un homme en deux. Je me sentais déjà une certaine douleur autour des reins. Puis, je ne pouvais digérer le sans-façon avec lequel le capitaine avait fait cette déplorable invitation. N'eût-on pas dit qu'il s'agissait d'aller traquer sous bois quelques renards inoffensifs ? Bon, pensais-je. Jamais Conseil ne voudra venir, et cela me dispensera d'accompagner le capitaine. Quant à Ned Land, j'avoue que je ne me sentais pas aussi sûr de sa sagesse. Un péril, si grand qu'il fût, avait toujours un attrait pour sa nature batailleuse. Je repris ma lecture du livre de Cyr, mais je le feuilletais machinalement. Je voyais entre les lignes des mâchoires formidablement ouvertes. En ce moment, Conseil et le Canadien entrèrent, l'air tranquille et même joyeux. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. « Ma foi, monsieur, me dit Ned Land, votre capitaine Nemo, que le diable emporte, vient de nous faire une très aimable proposition. »« Ah ? » dis-je. « Vous savez. »« N'en déplaise à monsieur, répondit Conseil. Le commandant du Nautilus nous a invités à visiter demain, en compagnie de monsieur, les magnifiques pêcheries de Ceylan. Il l'a fait en termes excellents et s'est conduit en véritable gentleman. »« Il ne vous a rien dit de plus ? » ?»« Rien, monsieur. » répondit le Canadien, et si ce n'est qu'il vous avait parlé de cette petite promenade. « En effet, dis-je, et il ne vous a donné aucun détail sur... »« Aucun, monsieur le naturaliste. Vous nous accompagnerez, n'est-il pas vrai ?»« Moi, sans doute. Je vois que vous y prenez goût, maître Land. »« Oui, c'est curieux, très curieux. »« Dangereux, peut-être, ajoutai-je d'un ton insinuant. »« Dangereux, répondit Ned Land, une simple excursion sur un banc d'huîtres. » Décidément, le capitaine Nemo avait jugé inutile d'éveiller l'idée de requin dans l'esprit de mes compagnons. Moi, je les regardais d'un œil troublé et comme s'il leur manquait déjà quelques membres. Devais-je les prévenir ? Oui, sans doute, mais je ne savais trop comment m'y prendre. « Monsieur, me dit Conseil, monsieur voudra-t-il nous donner des détails sur la pêche des perles ? Sur la pêche elle-même ? Demandai-je, ou sur les incidents qui... Sur la pêche, répondit le Canadien. Avant de s'engager sur le terrain, il est bon de le connaître. Eh bien, asseyez-vous, mes amis, et je vais vous apprendre tout ce que l'anglais Cyr vient de m'apprendre à moi-même. Ned et Conseil prirent place sur un divan, et tout d'abord le Canadien me dit « Monsieur, qu'est-ce qu'une perle ?»« Mon brave Ned, » répondis-je, « pour le poète, la perle est une larme de la mer. Pour les orientaux, c'est une goutte de rosée solidifiée. Pour les dames, c'est un bijou de forme oblongue, d'un éclat hyalin, d'une matière nacrée, qu'elle porte au doigt, au cou ou à l'oreille. Pour le chimiste, c'est un mélange de phosphate et de carbonate de chaux, avec un peu de gélatine. Et enfin, pour les naturalistes, c'est une simple sécrétion maladive de l'organe qui produit la nacre chez certains bivalves. Embranchement des mollusques, dit Conseil, classe des acéphales, ordre des testacés. Précisément, savant Conseil. Or, parmi ces testacés, l'oreille de mer iris, les turbots, les tridagnes, l'épine marine, en un mot, tous ceux qui sécrètent la nacre, c'est-à-dire cette substance bleue, bleuâtre, violette ou blanche, qui tapissent l'intérieur de leurs valves, sont susceptibles de produire ces perles. Les moules aussi ? Demanda le Canadien. Oui, les moules de certains cours d'eau de l'Écosse, du pays de Galles, de l'Irlande, de la Saxe, de la Bohême, de la France. Bon, on y fera attention, désormais, répondit le Canadien. Mais, repris-je, le mollusque par excellence qui distille la perle, c'est l'huître perlière, la Meleagrina margaritifera, la précieuse pintadine. La perle n'est qu'une concrétion nacrée qui se dispose sous une forme globuleuse. Ou elle adhère à la coquille de l'huître, ou elle s'incruste dans les plis de l'animal. Sur les valves, la perle est adhérente. Sur les chairs, elle est libre. Mais elle a toujours pour noyau un petit corps dur, soit un ovule stérile, soit un grain de sable, autour duquel la matière nacrée se dépose en plusieurs années, successivement et par couches minces et concentriques. « Trouve-t-on plusieurs perles dans une même huître ?» demanda Conseil. « Oui, mon garçon, il y a de certaines pintadines qui forment un véritable écrin. On a même cité une huître, mais je me permets d'en douter, qui ne contenait pas moins de 150 requins. »« 150 requins ?» s'écria Ned Land. « Ai-je dit requins ?» m'écriai-je vivement. « Je veux dire 150 perles. Requins n'auraient aucun sens. » « En effet, » dit Conseil, « mais monsieur nous apprendra-t-il maintenant par quels moyens on extrait ces perles ?»« On procède de plusieurs façons. Et souvent même, quand les perles adhèrent aux valves, les pêcheurs les arrachent avec des pinces. Mais le plus communément, les pintadines sont étendues sur des nattes de sparterie qui couvrent le rivage. Elles meurent ainsi à l'air libre, et au bout de 10 jours, elles se trouvent dans un état satisfaisant de putréfaction. On les plonge alors dans de vastes réservoirs d'eau de mer. » Puis, on les ouvre et on les lave. C'est à ce moment que commence le double travail des rogueurs. D'abord, ils séparent les plaques de nacre connues dans le commerce sous le nom de franches argentées, de bâtardes blanches et de bâtardes noires, qui sont livrées par caisse de 125 à 150 kg. Puis, ils enlèvent le parenchyme de l'huître, ils le font bouillir et ils le tamisent afin d'en extraire jusqu'aux plus petites perles. Le prix de ces perles varie suivant leur grosseur, demanda Conseil. « Non seulement selon leur grosseur, répondis-je, mais aussi selon leur forme, selon leur eau, c'est-à-dire leur couleur, et selon leur orient, c'est-à-dire cet éclat chatoyant et diapré qui les rend si charmantes à l'œil. Les plus belles perles sont appelées perles vierges ou paragons. Elles se forment isolément dans le tissu du mollusque. Elles sont blanches, souvent opaques, mais quelquefois d'une transparence opaline, et le plus communément sphérique ou piriforme. Sphériques, elles forment les bracelets, piriformes, des pendeloques, et étant les plus précieuses, elles se vendent à la pièce. Les autres perles adhèrent à la coquille de l'huître, et plus irrégulières, elles se vendent au poids. Enfin, dans un ordre inférieur se classent les petites perles, connues sous le nom de semences. Elles se vendent à la mesure et servent plus particulièrement à exécuter des broderies sur les ornements d'église. Mais ce travail qui consiste à séparer les perles selon leur grosseur doit être long et difficile, dit le Canadien. Non, mon ami, ce travail se fait au moyen de 11 tamis ou cribles percés d'un nombre variable de trous. Les perles qui restent dans les tamis, qui comptent de 20 à 80 trous, sont de premier ordre. Celles qui ne s'échappent pas des cribles percés de 100 à 800 trous sont de second ordre. Enfin, les perles pour lesquelles l'on emploie les tamis percés de 900 à 1000 trous forment la semence. « C'est ingénieux, » dit Conseil, « et je vois que la division, le classement des perles, s'opère mécaniquement. Et monsieur pourra-t-il nous dire ce que rapporte l'exploitation des bancs d'huîtres perlières ? » À s'en tenir au livre de Sire, répondis-je, les pêcheries de Ceylan sont affermées annuellement pour la somme de 3 millions de squales. De francs ? Reprit Conseil. Oui, de francs. 3 millions de francs, repris-je. Mais je crois que ces pêcheries ne rapportent plus ce qu'elles rapportaient autrefois. Il en est de même des pêcheries américaines, qui, sous le règne de Charles Quint, produisaient 4 millions de francs, présentement réduits aux 2/3. En somme, on peut évaluer à 900 millions de francs le rendement général de l'exploitation des perles. Mais, demanda Conseil, est-ce que l'on ne cite pas quelques perles célèbres qui ont été cotées à un très haut prix ? Oui, mon garçon. On dit que César offrit à Servilia une perle estimée 120 000 francs de notre monnaie. J'ai même entendu raconter, dit le Canadien, qu'une certaine dame antique buvait des perles dans son vinaigre. Cléopâtre, riposta Conseil. Ça devait être mauvais, ajouta Ned Land. Détestable, ami Ned, répondit Conseil. Mais un petit verre de vinaigre qui coûte 1 500 000 francs, c'est d'un joli prix. Je regrette de ne pas avoir épousé cette dame, dit le Canadien en manœuvrant son bras d'un air peu rassurant. Ned Land, l'époux de Cléopâtre, s'écria Conseil. Mais j'ai dû me marier, Conseil, répondit sérieusement le Canadien. Et ce n'est pas ma faute si l'affaire n'a pas réussi. J'avais même acheté un collier de perles à Kat Tender, ma fiancée, qui d'ailleurs en a épousé un autre. Eh bien, ce collier ne m'avait pas coûté plus $1.50. Et cependant, monsieur le professeur voudra bien me croire, les perles qui le composaient n'auraient pas passé par le tamis de 20 trous. Mon brave Ned, répondis-je en riant, c'étaient des perles artificielles, de simples globules de verre enduits à l'intérieur d'essence d'Orient. Si peu que rien, ce n'est autre chose que la substance argentée de l'écaille de la blette, recueillie dans l'eau et conservée dans l'ammoniac. Elle n'a aucune valeur. C'est peut-être pour cela que Kat Tender en a épousé un autre, répondit philosophiquement Maître Land. Mais, dis-je, pour en revenir aux perles de haute valeur, je ne crois pas que jamais souverain en ait possédé une supérieure à celle du capitaine Nemo. Celle-ci, dit Conseil en montrant le magnifique bijou enfermé sous sa vitrine. Certainement. Je ne me trompe pas en lui assignant une valeur de 2 millions de... francs, dit vivement Conseil. Oui, dis-je, 2 millions de francs. Et sans doute, elle n'aura coûté au capitaine que la peine de la ramasser. Eh ! S'écria Ned Land. Qui dit que demain, pendant notre promenade, nous ne rencontrerons pas sa pareille ? Bah ! Fit Conseil. Et pourquoi pas ? À quoi des millions nous serviraient-ils à bord du Nautilus ? À bord, non, dit Ned Land. Mais ailleurs ? Oh ! Ailleurs ! Fit Conseil en secouant la tête. Au fait, dis-je, Maître Land a raison. Et si nous rapportons jamais en Europe ou en Amérique une perle de quelques millions, voilà du moins qui donnera une grande authenticité et en même temps un grand prix au récit de nos aventures. Je le crois, dit le Canadien. Mais, dit Conseil, qui revenait toujours au côté instructif des choses, est-ce que cette pêche des perles est dangereuse ? Non, répondis-je vivement, surtout si l'on prend certaines précautions. Que risque-t-on dans ce métier, dit Ned Land, d'avaler quelques gorgées d'eau de mer ? Comme vous dites, Ned. À propos, dis-je, en essayant de prendre le ton dégagé du capitaine Nemo, est-ce que vous avez peur des requins, brave Ned ? Moi, répondit le Canadien, un harponneur de profession, c'est mon métier de me moquer d'eux. Il ne s'agit pas, dis-je, de les pêcher avec un émerillon, de les hisser sur le pont d'un navire, de leur couper la queue à coups de hache, de leur ouvrir le ventre, de leur arracher le cœur et de le jeter à la mer. Alors il s'agit d'eux ? Oui, précisément. Dans l'eau ? Dans l'eau. Ma foi, avec un bon harpon. Vous savez, monsieur, ces requins, ce sont des bêtes assez mal façonnées. Il faut qu'elles se retournent sur le ventre pour vous happer. Et pendant ce temps, Ned Land avait une manière de prononcer le mot happer qui donnait froid dans le dos. Eh bien, et toi, Conseil, que penses-tu de ces squales ? Moi, dit Conseil, je serai franc avec monsieur. À la bonne heure, pensais-je. Si monsieur affronte les requins, dit Conseil, je ne vois pas pourquoi son fidèle domestique ne les affronterait pas avec lui. Fin du chapitre 2 de la deuxième partie, enregistrée par Nathalie Mussard.